La délégation de Kyoto Net pour l'amitié nippo-coréenne, conduite par son vice-président Tsunogai Yudaka, a déposé le 16 courant un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu et rendu hommage.